الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans la continuité concernant la lecture ainsi que les commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait parlé du chapitre de At-Tayammum, de la purification par As-Sa'id, par la terre et ce qui est à sa surface faisant partie d'elle. Quelles sont les causes qui autorisent la personne à avoir recours au Tayammum? Afan. Qu'il n'y ait pas d'eau. Non. La non-disponibilité de l'eau, première cause. La maladie. Par maladie, une personne qui est malade et dont l'utilisation de l'eau lui porte préjudice, et partant de grand froid. Et partant de grand froid, une personne qui ne peut pas utiliser l'eau par grand froid. Taïb, on avait cité les trois hadiths qui prouvent chacun de ces trois cas. Le premier c'est le hadith de Imran ibn Husayn, le deuxième hadith de Jabir ibn Abdillah, et le troisième qui était le hadith de Am ibn al-As radiyallahu anhu. On avait donné aussi la définition de As-Sa'id. Quelle est la définition du Sa'id? La terre pure et tout ce qui est à sa surface faisant partie d'elle. Parce que tout ce qui est à la surface de la terre ne fait pas forcément partie d'elle, donc n'est pas forcément utilisable pour At-Tayammum. Ensuite, on avait parlé de la description Sifat At-Tayammum, qui peut rappeler la description, comment la personne doit faire At-Tayammum. On essuie les mains sur la terre. On pose les mains, ou on frappe les mains doucement sur la terre. Si elle est poussiéreuse, on souffle sur les mains. Si la terre est poussiéreuse, on souffle. Et si elle n'est pas poussiéreuse, on souffle quand même. La sonne. Ça, ça va. Les savants disent qu'il est préférable de souffler. Il y a que le Prophète a soufflé sur ses mains car il avait posé ses mains sur une terre poussiéreuse. Mais d'autres savants disent que dans tous les cas, il fait partie de la sunna d'insuffler dans ses mains. Donc de poser ses mains sur la terre ou sur une pierre ou toute chose qui fait partie de la terre, parmi lesquelles il est autorisé de faire At-Tayammum. Ensuite, d'insuffler sur ses mains, d'essuyer le visage, d'essuyer par le visage en premier et les mains ensuite, et les mains jusqu'où? Les paumes et la main seule. Non, les mains jusqu'au poignet. Non, les mains jusqu'au poignet et non pas les bras. Les bras n'entrent pas dans le cadre du At-Tayammum. Et y a-t-il une différence entre celui qui fait At-Tayammum pour les petites ablutions et pour les grandes? Est-ce qu'il y a une différence? C'est sûr, il n'y a pas de différence. On n'avait pas cité de différence la semaine dernière entre celui qui fait At-Tayammum pour Al-Janaba ou At-Tayammum pour Al-Hadath Al-Asrar, pour les petites ablutions. On n'avait pas cité de différence. Vous êtes sûr? Non, il n'y avait pas de différence. Et il faut suivre un petit peu. Bah oui, normalement, il ne doit pas y avoir de doute. C'est d'être une certitude. Il n'y a que la niya qui change, ça. Et que la niya qui chante, c'est vrai. Mais concernant la description extérieure, et la façon de le faire, Elle est exactement la même. Taïb, et celui qui fait atayammum, est-ce qu'il doit faire atayammum avant chaque prière? Ou est-ce que le tayammum qu'il a fait, tant qu'il est en état de pureté, il lui est autorisé de faire une prière, voire plusieurs? Non. Et celui qui fait atayammum, est-ce qu'il a le droit de présider la prière avec derrière lui des personnes qui n'ont pas fait tayammum mais qui ont fait les ablutions? Quelle est la preuve? Le hadith de Amr ibn al-As, lorsqu'il était parti en expédition, il était le chef de l'armée et il était en état de janaba, et ayant peur pour sa santé, pour sa vie, de faire al-rusul en temps de grand froid, il a fait at-tayammum, puis a présidé la prière, et derrière lui les compagnons radiallahu anhum n'avaient pas fait at-tayammum. Et lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a été informé de ce cas, de ce fait, il a demandé à Amr ibn al-As radiallahu anhu, et il lui a répondu, il lui a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum afwan inna Allaha kana bikum rahima, et ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. Et le prophète alayhi salam a souri pour montrer son accord avec le fait, avec le geste que Amr ibn al-As radiallahu anhu a fait. Donc c'est la preuve qu'une personne qui a fait at-tayammum a le droit de présider la prière derrière, ou plutôt avec derrière lui, des personnes qui ont fait leur ablution. Taïb nawaqidu, quelles sont les choses qui annulent at-tayammum? Les mêmes choses que les ablutions. Donc le fait que des gaz, ou bien l'urine, ou bien les excréments sortent de la personne. Et tous les autres cas qu'on avait cités, les cas qui annulent les ablutions qu'on avait cités. Il n'y a que ça ou il y a encore d'autres choses? Trouver de l'eau, mais pas tout le temps. Yani, ta réponse elle est vraie à 50%. Elle n'est pas complète. Trouver de l'eau avant l'acte d'adoration. Non. Trouver de l'eau dans le cas où c'est trouver de l'eau dans le cas où la personne a eu recours au tayammum car il n'avait pas d'eau. D'accord? Parce qu'une personne qui a eu recours au tayammum parce qu'elle est malade, elle n'a de l'eau avant de trouver. D'accord? Donc c'est l'apparition de l'eau pour celui qui n'en avait pas, et c'est la possibilité d'utiliser l'eau pour celui qui n'avait pas la possibilité de l'utiliser. Celui qui n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau, ou dont l'utilisation de l'eau lui porte préjudice et lui fait mal, lorsqu'il a la possibilité d'utiliser l'eau, son tayammum devient nul. De même pour celui qui a fait tayammum parce qu'il n'avait pas d'eau, lorsque l'eau est présente, son tayammum devient nul. Donc il doit refaire ses ablutions. Non. Et celui qui a fait tayammum, a fait sa prière et a trouvé de l'eau alors que l'heure de la prière n'est pas encore dépassée, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il refait ses ablutions? Ou est-ce qu'il considère la prière qu'il a faite comme étant valide? Il la considère comme étant valide. On avait cité le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, où deux compagnons qui étaient partis en voyage et qui n'avaient pas d'eau ont fait atayammum tous les deux, ont prié tous les deux, et ils ont retrouvé de l'eau, ils ont trouvé de l'eau alors que l'heure de la prière n'était pas encore dépassée. L'un a refait ses ablutions et a refait sa prière, et l'autre n'a rien refait. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit au premier, a dit à celui qui n'a rien refait, asabta sunnah, tu as appliqué la sunnah, tu as mis en pratique la sunnah. Et il a dit à celui qui a refait ses ablutions et à celui qui a refait sa prière, laka ajran, tu as deux récompenses. Non. On avait aussi parlé de celui qui a une fracture à l'un de ses membres et qui a été obligé de mettre un plâtre. On avait cité le jugement en rapport avec le plâtre. Celui qui a un plâtre et qui veut faire ses ablutions, qu'est-ce qu'il doit faire? Différents cas. Il y a différents avis. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les différents avis? Il y a l'avis où il considérerait que le bras, par exemple, c'est une partie de son corps. Non. Il fait l'auto en ignorant son bras. Il y a le cas où il essuie par-dessus. Mm-hmm. Il y a le cas où il fait la monde. Non. Donc, il y a plusieurs avis des savants, rahimahumullah. Certains disent qu'il est autorisé d'essuyer sur le plâtre, car il y a un hadith, on avait cité la version, les savants qui considèrent cette version comme bonne autorisent le fait d'essuyer sur le plâtre ou le pansement. C'est pareil, le plâtre ou le pansement ont le même jugement. D'autres savants disent que celui qui a un plâtre, il considère son membre comme étant amputé. Ni il ne l'essuie, ni il fait atayamum. Et d'autres savants disent, il n'essuie pas dessus, mais il doit faire le tayammum pour compenser, il doit faire les ablutions, sauf le bras, ou supposons qu'il a un bras cassé, sauf le bras emplâtré, mais à la fin des ablutions, il doit refaire un tayammum pour compenser le fait qu'il n'ait pas lavé son bras. Et ça, on avait dit que c'était un avis qui était très faible. Et les deux avis qui sont reconnus, c'est le premier, soit essuyer, ou le second, c'est-à-dire de ne rien faire, de considérer comme le bras comme étant amputé. Et d'autres savants ont dit, lorsque le bras est emplâtré à moitié, parce que le plâtre, il recouvre pas forcément le bras, lorsqu'il est couvert à moitié, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous considérez le bras comme amputé? La moitié du bras. C'est ça, la moitié du bras. Et allez, vous devez laver ce que vous pouvez. Si la moitié du bras est recouverte d'un plâtre, l'autre moitié non, ben vous lavez la moitié qui n'est pas recouverte, et l'autre moitié, vous la considérez comme étant amputée. Voilà. Mais dans le cas du hadith, le compagnon l'a une blessure à la tête. Lui, le prophète l'a dit, le tayammum il aurait suivi. Dans ce cas-là, on peut faire la même chose pour le cas où la personne a une blessure. Non, parce que dans ce cas-là, du tayammum, il ne pouvait pas faire le ghusl. Donc le prophète alayhi sallam lui a donné l'autorisation de faire un tayammum à la place du ghusl tout entier. Il n'a pas dit uniquement la tête. Non, mais il était en tête janaba. Et lui, le prophète sallam a dit, namakan akfi atayammum. Il aurait fait le tayammum, ça lui aurait suffi. Non. Et ensuite, on avait parlé de atayammum, d'utiliser le mur comme atayammum. Quel est le jugement de l'islam sur ce point? Est-ce qu'il est autorisé à une personne d'utiliser un mur comme pour faire atayammum et d'essuyer sur un mur? Non. Il est autorisé ou pas? Non. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? La preuve est le hadith du prophète alayhi sallam où un homme a salué le prophète alayhi sallam et le prophète sallallahu alayhi sallam ne lui a pas répondu à son salam jusqu'à ce qu'il ait essuyé sur un mur et a fait atayammum puis a rendu le salam à cet homme. Et on avait cité que dans les cours précédents que le prophète alayhi sallam كان يكره أن يذكر اسم الله وهو على غير طهارة. Que le prophète عليه الصلاة والسلام détestait citer le nom d'Allah alors qu'il était en état de non-pureté, en état d'impureté. Et les savants ont divergé, certains savants disent que le mur, c'est un mur, il faut que ce soit un mur en terre cuite, yani qu'il ne soit pas recouvert de peinture ou d'isolant. D'accord. D'autres savants prennent le hadith dans son ensemble et ils comprennent le hadith globalement. فَمَسَحَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ فَحَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ. Et dans le hadith, il a été cité mur. Un mur, c'est un mur. Et qu'il soit recouvert de peinture ou non, c'est un mur, à condition que ce mur et ses composants fassent partie de la terre. Que ce soit un mur en brique, un mur en ciment, un mur يعني tout ce qui sort de la terre. Non, pas un mur en bois par exemple. Non. Je voulais demander par rapport au fait que le prophète il était rendre salam à une chose qui est khasse au prophète. Non, ça c'est pas le fait de le fait que de citer le nom d'Allah soit détestable en état d'impureté, ce n'est pas propre au prophète alayhi salatu wasalam. Non, au contraire. Si le prophète alayhi salatu wasalam détestait citer le nom d'Allah, eh bien nous, on se doit de ressembler au prophète alayhi salatu wasalam. Ce n'est pas un cas qui est spécifique au prophète alayhi salatu wasalam. Quelle est la preuve que ce n'est pas un cas spécifique au prophète alayhi salatu wasalam? Quelle est la preuve? Quelqu'un qui vous dit d'accord, quelle est la preuve que ce cas n'est pas spécifique au prophète alayhi salatu wasalam? Que la sunna se divise en trois. Non. On n'a rien qui contredit. Bien que c'est interdit ou que... Non. Il n'y a rien qui est averti que c'est recommandé que au prophète. Voilà, tout simplement. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui dit que ce fait, et le fait de ne pas citer le nom d'Allah en état d'impureté, soit spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une règle en islam que chacun de vous doit connaître. البينه على المدعي واليمين على من انكر البينه على المدعي c'est-à-dire la preuve doit être apportée par celui qui atteste une chose. Tu attestes une chose, تفضل, apporte la preuve. واليمين على من انكر, et celui qui renie une chose, celui qu'on accuse de quelque chose et qui la renie, qu'est-ce qu'il doit faire? اليمين, il doit jurer. On n'a pas à lui demander apporte la preuve que tu n'as pas fait. Non, on te demande jure que tu n'as pas fait. Et celui qui atteste quelque chose, tu attestes que ce fait est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux bien te croire, akhi. Apporte-moi la preuve. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa al-yaminu 'ala man ankar. Donc on avait aussi parlé de Saïd et le fait que certains savants ont posé comme condition la poussière de la terre. Que Saïd, une personne pour qu'elle fasse tayammum, certains savants disent, parmi les conditions, c'est que cette chose sur laquelle il va faire un tayammum soit recouverte de poussière, mais la poussière de la terre. Et on avait dit que c'était un avis qui était fort et qui était un avis respectable. Et que d'autres savants disent que ce n'est pas une condition. Et ce sont deux avis qui sont respectables, l'un comme l'autre. Et on avait cité aussi que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la poussière n'est pas une condition. Et que les savants disent qu'il est même autorisé de faire un tayammum sur un rocher après qu'il ait plu. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le chapitre des monstrues et des lochis. Ahkam al-hayd wa al-nifas. Concernant les monstrues et les lochis, c'est un sujet qui est très important et que chacun de nous doit connaître. Même si on est des hommes, on se doit de connaître les jugements relatifs aux monstrues et aux lochis. D'accord ? Parce que chacun d'entre nous a une sœur, certains sont mariés, on a tous des mères, la plupart on a nos mères, on a des sœurs, on a des tantes, donc on sera amené un jour ou l'autre à devoir s'exprimer ou à devoir prendre position sur ce sujet. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes que ce sujet ne nous intéresse pas, au contraire. Et ce sujet, le chapitre de l'Hidr al-Nifas, c'est un sujet récurrent, c'est quelque chose qui vient très souvent. Les femmes posent très souvent des questions sur ce sujet, d'où son importance. Et vous allez entendre certaines personnes qui vont vous dire, vous, les gens de la Sunna, vous ne vous occupez que des détails. Vous passez vos jours et vos nuits à polémiquer sur des détails. Est-ce que celui qui fait la prière, lorsqu'il fait tashahhud, est-ce qu'il doit bouger son doigt ou pas? Est-ce qu'il doit le bouger de haut en bas, ou est-ce qu'il doit faire un cercle? Est-ce qu'il doit le bouger doucement, ou est-ce qu'il doit le bouger vite? Et vous, les gens de la Sunna, vous ne passez votre temps qu'à parler, entre guillemets, de futilité, de choses qui ne sont pas importantes. Alors que les musulmans dans le monde sont oppressés. Les musulmans dans le monde se font tuer. Les musulmans dans le monde se font humilier. Et vous, vous ne trouvez rien d'autre qu'à faire que de parler de choses futiles. Vous ne parlez que d'épluchure. Voilà, yadu billah. Certaines personnes osent dire des paroles comme celle-ci. Et ils vont plus loin. Vous, les gens de la sunna, vous ne prenez votre science que des savants spécialisés dans al-hayd wan-nifas. Vous ne prenez votre science que des savants qui n'ont de science que dans le domaine des menstrues et des lochis. Voilà, yadu billah. Qu'est-ce qu'ils disent? Ou quels sont ces savants qui sont visés? Cheikh al-Albani, rahimahullah. Cheikh ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymeen, Cheikh Muqbil. Les grands savants de l'islam, certains osent les qualifier comme étant des savants n'ayant de la science que dans le chapitre de Al-Hayd wan-Nifas. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces ignorants? Qu'Allah les guide. Tout d'abord, ces personnes, ce sont des personnes qui ont une atifah, qui ont une motivation dans la religion, mais cette motivation, ils ne l'ont pas cernée par le Coran et la Sunna. Ils ont un amour pour la religion, ils ont envie de bouger pour la religion, mais malheureusement, ils ne le font pas dans les normes, ils ne le font pas dans les règles. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, wa kam min muridin lil khair la yusibu. Et combien de personnes veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Qu'une personne soit motivée, qu'une personne ait la rira pour l'islam, pour la religion d'Allah, c'est une chose qui est demandée à chacun de nous. Mais cette motivation, elle doit être cernée par le Coran et la Sunna. Cette motivation, elle ne doit pas pousser la personne à dépasser les limites instaurées par Allah et par son prophète, alayhi salatu wasalam. Tout d'abord, concernant ce chapitre, c'est un chapitre qui est important. Al-Hayd wan-Nifas. Car le chapitre des menstrues et des lochis, beaucoup de jugements en découlent. Il y a des jugements sur la prière, des jugements sur la purification, des jugements sur le hajj, des jugements sur le rapport entre la femme et son mari, des jugements sur at-talaq, sur le divorce, des jugements même sur al-kaffara, sur une femme qui a commis un crime, la sentence qui lui est réservée, elle est en rapport aussi avec al-hayd wan-nifas. Les menstrues, les lochis, en découlent énormément de jugements. D'où leur importance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous qui dites que les gens de la sunna ne passent leur temps qu'à parler de futilité, à parler que de l'haïd wan-nifas. Le fait de parler de l'haïd wan-nifas, est-ce que cela signifie que l'on ne regarde pas l'état des musulmans, que l'état des musulmans dans le monde ne nous fait pas de la peine? Le fait que l'on apporte notre aide aux musulmans dans le monde, est-ce que l'un abroge l'autre? Est-ce que le fait de s'occuper ou d'apprendre sa religion dans le chapitre de l'haïd wan-nifas et de comment faire la prière, de comment faire la tashahoud, est-ce que celui qui apprend la description de tashahoud, ça veut dire qu'il ne se préoccupe pas des musulmans dans le monde? Oui ou non? Non, c'est faux. On peut très bien apprendre sa religion d'un côté et aider les musulmans d'un autre. L'un n'empêche pas l'autre. Troisièmement, vous qui dites que les gens de la sunna ne se préoccupent que des épluchures et délaissent le noyau, qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond que la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une religion qui est complète. C'est une religion qui est entière. D'accord? Certes, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, mais toutes ces choses font partie de la religion d'Allah. Donc déjà, le simple fait de qualifier une partie de la religion comme étant épluchure, c'est déjà un manque de respect envers Allah et envers son prophète, alayhi salam. Et les savants leur répondent à ces personnes qui considèrent des choses moindres, moins importantes que d'autres dans la religion comme étant des épluchures. Les savants, rahimahumullah, leur ont répondu et leur ont dit l'épluchure d'un fruit ou d'un légume. Ne protège-t-il pas le fruit? Une banane, si vous lui enlevez son épluchure, combien de temps vous lui donnez à la banane avant qu'elle pourrisse? Combien de temps vous lui donnez? Vous lui donnez un quart d'heure avant qu'elle pourrisse, la banane. Pareil pour une pomme, pareil pour les autres fruits. L'épluchure, c'est une épluchure, c'est vrai, mais elle a son importance. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la religion que d'autres, mais ces choses qui sont moins importantes, elles ont leur importance. Elles font partie de la religion d'Allah. Et quant à ces savants que vous qualifiez de savants spécialisés ou ne connaissant que les jugements sur Al-Hayd ou Al-Nifas, ils ne méritent même pas qu'on leur réponde. Et les biographies des savants qu'on a cités cet été répondent à ces personnes. Et si ça prouve une chose, c'est que ces personnes ne connaissent pas les savants, ne connaissent pas leur valeur et ne connaissent pas les efforts que ces savants, rahimahumullah, ont fournis et ont donnés à la communauté. Et on pourrait même dire que ces personnes qui parlent sur les savants, je suis même prêt à jurer que s'ils sont musulmans encore à cette époque, ils ont une part de ces savants ont une part de ont une cause derrière cela. Si cette personne qui lit un hadith ou qui est musulman à notre époque et qui apprend la sunna, qui essaye d'apprendre sa religion, si vous regardez les livres qu'il lit, si vous regardez les références, vous trouverez toujours un des savants qu'il insulte entre guillemets derrière tout cela. À notre époque maintenant, dites-moi quel livre vous lisez où il n'y a pas une référence authentifiée par Cheikh l'Albani. Rares maintenant à notre époque sont les livres qui n'utilisent pas les authentifications que Cheikh l'Albani rahimahullah a fait à énormément de hadiths. Donc concernant ce point-là, ils ne méritent même pas qu'on ne leur réponde. Alhamdulillah, on connaît nos savants, on connaît leur valeur, on sait les efforts qu'ils ont faits pour apprendre la religion et les efforts qu'ils ont faits pour transmettre la religion. Ils n'ont vécu que pour Allah et pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était une parenthèse que je voulais faire concernant ce chapitre de Al-Hayd wa Nifas. Donc le shaykh dit Al-Hayd huwa al-dam al-ma'ruf 'inda an-nisa' ولا حد له في الشرع لأقله وأكثره وإنما يرجع فيه إلى العادة. Donc le cheikh dit les menstrues, c'est un sang connu chez les femmes. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, c'est-à-dire il n'y a pas de limite dans la religion qui définit le minimum et le maximum. وَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a aucun verset, aucun hadith du prophète ﷺ qui définit un temps minimum et un temps maximum concernant le sang des menstrues. Il n'y a pas un hadith qui dit par exemple que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues moins de 3 jours, ce n'est pas considéré comme des menstrues. Ou une femme qui a des menstrues pendant plus de 10 jours, ce n'est pas des menstrues. Il n'y a pas de temps bien défini en islam. La seule chose qui définit le sang des menstrues et la période des menstrues, c'est ce qui est connu des femmes. C'est ce qui est connu des femmes. C'est l'habitude que les femmes ont. Et Al-Hayd, son sens littéral, c'est Al-Sayalan. Al-Hayd, هو Al-Sayalan. تقول حاض الوادي إذا سال. En arabe, le verbe حاضa, ça veut dire ruisseler. Tu dis un fleuve, حاض الوادي, يعني le fleuve ruisselle. Donc le sens littéral de Al-Hayd, c'est le ruissellement. Et istilahan, هو جريان دم المرأة من قبلها ويخرج من الرحم كل شهر في أوقات معلومة. Et religieusement, juridiquement, le haid, ça signifie la sortie du sang, la sortie de sang de la femme, de ses parties intimes, qui sort de l'utérus chaque mois pendant une période bien déterminée. Donc ça, c'est la définition juridique. C'est-à-dire, premièrement, il faut que ce soit du sang. On a dit que c'était un sang qui sort des parties intimes de la femme. Donc, le sang qui sort d'autres que les parties intimes n'est pas considéré comme al-hayd. وَفِي أَوْقَاتٍ مَعْدُودَةٍ أَوْ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ. Et pendant une période bien déterminée. C'est-à-dire qu'en dehors de cette période bien déterminée, ce sang n'est pas considéré comme un sang de monstre. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة وأكثره 40 يوما. Et quant au lochi, c'est un sang qui sort après l'accouchement. Et sa limite est de 40 jours. Donc, al-hayd, on a dit, le sang des menstrues, il n'est pas délimité par la religion. Ni un minimum, ni un maximum. Al-nifas, qui est le sang qui sort après l'accouchement, l'islam n'a pas délimité son minimum, mais a délimité son maximum. Il n'a pas délimité son minimum, mais a délimité son maximum, qui est de 40 jours. Donc une femme qui a ses lochi pendant plus de 40 jours, après les 40 jours, ce sang n'est plus considéré comme un sang de lochi, mais il est considéré comme dam al-istihada, comme un sang lié à une hémorragie. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما حديث حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي. La preuve est le hadith de Umm Salama رضي الله عنها qui dit les femmes qui avaient leur lochi au temps du prophète عليه الصلاة والسلام تجلس 40 يوما. Comment vous comprenez Tajlisu dans ce hadith? Si vous le traduisez textuellement, les femmes qui avaient leur lochi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyaient pendant 40 jours. Qu'est-ce que ça veut dire s'asseyer pendant 40 jours? Non. S'asseyer, c'est-à-dire qu'elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. Et s'asseyer, c'est pas s'asseyer pendant 40 jours. Parce que, à notre époque, surtout en France, il faut se méfier. Une personne, elle peut très bien comprendre le hadith, elle s'assoit pendant 40 jours et puis il dit à sa femme, tu t'assois pendant 40 jours, tu bouges pas. Voilà. Même ça, ça m'étonnerait pas, ça va. Ça m'étonnerait pas que des personnes en arrivent à ce point-là. Les femmes qui avaient leur lochi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenaient de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec leur mari pendant 40 jours. ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت. نعم. On avait déjà parlé de ce sujet. On avait parlé de tawaf. Est-ce que le tawaf est une prière? Est-ce que une personne peut faire le tawaf en ayant ses ablutions ou pas? On avait parlé de ce sujet. Et c'est enregistré, Inch'Allah, tu retourneras à l'enregistrement. Et on avait cité que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que le tawaf n'était pas considéré comme une prière. On avait cité toutes les différences entre le tawaf et la prière, et que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est que la personne, et il lui est autorisé de faire le tawaf, même sans être en état d'ablution, mais qu'il était préférable de les avoir. Non. ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت. Et lorsque la femme voit qu'elle est pure avant ses 40 jours, elle doit alors se laver et à partir de ce moment, elle devient pure. Et si le sang des lochis ne cesse de couler et dépasse et atteint les 40 jours, après les 40 jours, elle doit se laver et considérer le sang qui continue à couler comme étant une hémorragie, c'est-à-dire une maladie, et non le sang des lochis. ما يحرم بالحيض والنفاس يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في التحريم وتزيد عليه في التحريم. Il est interdit, donc quelles sont les choses qui sont interdites pour la femme qui a ses menstrues et ses lochies? Il est interdit pour la femme qui a ses menstrues et ses lochies de faire ce qui est interdit à une personne qui n'a pas ses ablutions, à une personne qui est en état d'impureté. D'accord? Donc de prier, de jeûner, de prendre le mushaf et tous les autres points qu'on avait cités. وتزيد عليه في تحريم الصوم وتقضيه إذا طهرت. Et il y a des choses en plus qui lui sont interdites, en dehors des choses qui sont interdites à celui qui n'est pas en état de pureté. Premièrement, الصوم وتقضيه إذا طهرت. La première chose, c'est le jeûne. Il lui est interdit également de jeûner, mais elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure. عن معادة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حديث متفق عليه. La preuve, le hadith de Mu'adah radiallahu anha qui dit: j'ai demandé à Aïcha radiallahu anha, qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues? Qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues? Pourquoi rattrape-t-elle les jours de jeûne manqués et ne rattrape-t-elle pas la prière? Aïcha radiallahu anha lui a répondu: cela nous atteignait, c'est-à-dire que nous avions nos menstrues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Thaniyan, donc la deuxième chose qu'il est interdit de faire pour la femme qui est ses menstrues, Al-Wat'u fil Farj. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح حديث صحيح. La deuxième chose, en plus de ce qui est interdit pour celui qui n'est pas en état de pureté, la deuxième chose qui est interdite en plus pour la femme qui a ses menstrues et ses lochies, c'est d'avoir des rapports sexuels avec son mari. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Lorsqu'elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il t'interroge sur les menstrues. Dit, c'est-à-dire réponds-leur au Muhammad, c'est un mal. Les menstrues, c'est un mal pour la femme comme pour l'homme. C'est un mal pour la femme comme pour l'homme, car l'homme qui a des rapports avec sa femme en état de menstrues, même médicalement, c'est source de maladies graves. Source de maladies graves. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'atazilu an-nisaa fil mahid. Abstenez-vous d'avoir des rapports avec vos femmes pendant les menstrues. C'est une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. Hatta yatahhurn. Les savants disent jusqu'à ce qu'elles soient pures, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur menstrue. Lorsque la femme voit les pertes blanches. Donc, elle considère que sa période de menstrue est terminée, donc elle est pure. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَا. Juste avant, il a dit حَتَّى يَطْهُرْنَ. Jusqu'à ce qu'elle soit pure. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَا. Et lorsqu'elles se sont purifiées. Et là, les savants disent فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait le grand lavage. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et lorsqu'elles ont fait الْغُسْل, alors vous pouvez avoir des rapports avec elles selon les prescriptions d'Allah. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et les savants ont divergé sur le moment à partir duquel l'homme a le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Certains savants disent à partir du moment où elle n'est plus en période de menstrue, il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle, même avant qu'elle ne fasse le grand lavage. Et d'autres savants disent non. Allah subhanahu wa ta'ala a bien différencier entre hatta yathurn, jusqu'à ce qu'elle soit pure, fa'idha tataharna, et lorsqu'elles se sont purifiées. Et les savants, les savants qui disent que l'homme ne doit avoir de rapport avec sa femme après ses menstrues qu'une fois qu'elle ait fait le grand lavage, en se basant sur ce hadith, en se basant à fond sur ce verset hatta fa'idha tataharna. Quelle est la preuve dans le Coran que tataharna, ça veut dire irtasalna? Ça veut dire qu'elles ont fait un grand lavage. Et on ne parle pas sans science. Lorsqu'on apporte quelque chose, comme on a dit, al-bayinatu ala al-mudda'i, celui qui atteste une chose doit en apporter la preuve. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a apporté la preuve et a dit: la preuve que فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, ça veut dire lorsqu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait الرسل, la preuve c'est un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا. Et lorsque vous êtes en état de grande impureté, فَطَّهَّرُوا, c'est-à-dire une personne qui est en état d'impureté, quelle est la seule chose qu'elle peut faire? الرسل. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme tatahhar. Wa in kuntum junuban fattahharu ay irtasil. Et les autres savants leur ont répondu: et que dites-vous du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Et se purifient, ça ne veut pas dire forcément faire al-rousl. Se purifier dans ce verset, c'est à la fois ceux qui font le rousl et ceux qui font al-wudu. Qu'est-ce que les savants leur ont répondu? Ce verset, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, il englobe ceux qui font al-rousl et ceux qui font al-wudu, les ablutions. Contrairement aux autres versets, ici Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qu'on cite, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, il parle de qui? Il parle des femmes, pas n'importe quelle femme, des femmes qui viennent de finir leur période de menstrue. Donc, التطهر, dans ce cadre, dans le contexte du verset, ne peut vouloir dire que الرسل. De même que l'autre verset, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا, lorsque vous êtes en état de grande impureté, lavez-vous. Yani, le fait que dans le verset où Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient, il a son contexte général. Et les deux autres versets ont leur contexte spécifique qui prouve que atatahur dans ces versets ne veut dire et ne signifie que le grand lavage. C'est bon, vous avez saisi ? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans la première tab'a de Adab al-Zifaf, dans la première édition de son livre Adab al-Zifaf, considérait qu'il était autorisé à l'homme de, d'avoir des rapports avec sa femme une fois sa période de menstruation terminée, même avant al-Rusul. Mais Cheikh rahimahullah est revenu sur son avis et a attesté qu'il y avait bien une différence entre Hatta yathur et Faïda tatahharna. Donc Cheikh Al-Almi rahimahullah est revenu sur son avis. Ça, c'est si quelqu'un vous apporte la parole de Cheikh, l'ancienne, vous saurez quoi lui répondre. Non. Donc ça, c'est la preuve dans le Coran. Et la preuve dans la Sunna, c'est la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Isna'u kulla shay'in illa nikah. Faites toute chose sauf al-nikah. Et al-nikah dans ce hadith, ça signifie al-jima', le rapport sexuel proprement dit. Hadith authentique rapporté par Muslim, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et d'autres hadiths où Aïcha radiallahu anha dit que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle était en état de menstru, lui demandait de mettre un nizar, de mettre un drap sur la partie. Enfin, sur la partie basse de son corps, et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam jouissait de la partie supérieure de son corps. Donc il autorisait à l'homme de jouir de la partie supérieure du corps de sa femme, même lorsqu'elle est en état de menstruer. Et Aïcha radhiyallahu anha a même dit, et qui parmi vous est capable de faire cela? Et qui parmi vous est capable de faire cela? Non, donc tout ça pour dire que la chose qui est interdite, c'est le rapport sexuel proprement dit. طيب حكم من أتى حائضا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ولو اعتقد مسلم جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. Quel est le jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues? L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre où il explique Sahih Muslim, il dit: et si un musulman considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses menstrues, d'avoir des rapports sexuels proprement dit, yani jima'u al-ha'id fi farjiha, dans sa partie intime, sara kafiran murtadda, celui qui considère que cela est autorisé est un mécréant, est sorti de l'islam, sort de l'islam. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran. Et considérer son autorisation, c'est renier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et renier la parole d'Allah, c'est une mécréance. Renier la parole d'Allah, c'est une mécréance. Même le fait de renier ne serait-ce qu'une lettre du Coran, c'est une mécréance. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. ولو فعله إنسان غير معتقد حلا. Et celui qui le fait, celui qui l'a fait sans considérer son autorisation. Donc le premier cas, celui qui l'autorise, qui considère que c'est autorisé, on connaît son jugement. Maintenant, le deuxième cas, celui qui sait que c'est interdit. Il le sait que c'est interdit. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à un homme d'avoir un rapport sexuel avec sa femme alors qu'elle est en état de menstrue. Ici, il y a deux cas. L'imam Nawawi dit: فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ مُكْرَهًا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. S'il a oublié, ou alors était ignorant du fait que sa femme était en état de monstru, ou alors ignorait l'interdiction, ou bien a été forcée, cette personne, elle n'a pas de mal et elle n'a pas de compensation. Donc une personne qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle est en état de monstru, parce qu'il a oublié que cela était interdit, ou il a oublié que sa femme était en état de monstru, ou bien qu'il ne savait pas que sa femme avait ses monstrues, ou bien qu'il ne connaissait pas le jugement, ou bien qu'il a été forcé, ou bien qu'on l'a forcé à avoir un rapport avec sa femme alors qu'elle a ses monstrues. Celui-ci, il n'a pas de mal, il n'a pas de péché, et il n'a pas de compensation. Il n'y a pas de compensation à faire. وَإِنْ وَطَأَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالْحَيْضِ وَالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا فَقَدْ يَرْتَكَبَ مَعْصِيَّةً كَبِيرَةً نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةً. Et celui qui a un rapport avec sa femme, qui a ses monstrues, de son propre gré, عَامِدًا, en sachant que sa femme a ses monstrues, en sachant que cela est interdit, et en ayant le choix, en ayant eu le libre choix, c'est-à-dire qu'il n'a pas été forcé, il a alors fait un énorme péché. Comme l'a qualifié l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a qualifié ce geste, cet acte, comme faisant partie des grands péchés. وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةِ. Et il lui est obligatoire de se repentir. S'il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, il doit faire le repentir. Et vous connaissez les conditions du repentir? Vous connaissez? Le repentir, la première chose, c'est de s'abstenir du péché. La deuxième chose, c'est de regretter. Et la troisième chose, c'est d'avoir la résolution, d'avoir la motivation, d'avoir la conviction de ne plus le refaire. Ce sont les trois conditions qui doivent être accomplies pour qu'un repentir soit accepté. وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلًا. Et quant à l'expiation, quant à la compensation, c'est-à-dire le fait que cet homme doit payer, il y a deux avis. Certains savants disent qu'il a une expiation, qu'il a une kafara, qu'il a une compensation à payer, une compensation financière. D'autres savants disent qu'il n'a pas de compensation, mais que le simple fait qu'il se repentisse lui suffit. Qultu. Donc le shir dit, donc là la parole de l'imam al-Nawawi est terminée, maintenant c'est shir Abdul Azim ibn Adawi ibn Badawi qui parle. قلت والقول الراجح وجوب الكفارة. Et l'avis le plus sûr, c'est l'obligation de payer une compensation, l'obligation de l'expiation. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. Et donc l'avis le plus sûr, comme le dit le cheikh, c'est l'obligation de l'expiation. Wujub al-kaffara. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle a ses monstrues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yatasaddaqu bi dinar aw nisfu dinar. Il doit donner en aumône un dinar ou la moitié d'un dinar. Non. La femme qui ne dit pas à son mari qu'elle est en place de monstrue, elle doit faire une compensation, ça ne dit pas ou elle doit le dire ou... Allahu a'lam. Yani, al-kafara, je ne sais pas si je ferai une recherche dessus. Est-ce que al-kafara, elle est uniquement obligatoire à l'homme ou à la femme? Mais d'après ce que je sais, c'est que Al-Kafara n'a lieu que pour l'homme. La femme n'a aucune compensation à faire. Wallahu a'lam, mais je ferai une recherche dessus et je vous dirai la réponse la semaine prochaine, inshallah. طيب le prophète عليه الصلاة والسلام a dit يتصدق بدينار أو نصف دينار. Il doit donner en aumône un dinar ou bien la moitié d'un dinar. طيب quel est le dinar? Le hadith, il doit donner un dinar ou la moitié d'un dinar. C'est quoi un dinar? On est en 2005. Non, le dinar, tout d'abord, c'est la pièce. C'était des pièces au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces pièces étaient en or. C'est des pièces en or. Et à notre époque, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, c'est 4 septièmes du junay saoudi. Le junay saoudi, c'est à peu près aux alentours de 300 riyals. 300 riyals, c'est vous divisez par 4,3 à peu près. Non. En euros, pour l'avoir en euros, il faut diviser par 4,3. Dernier cours, c'est 4,3. Et c'est à peu près aux alentours de 150 riyals. Aux alentours de 150 riyals. Donc vous divisez 150 par 4,3 à peu près, vous trouverez l'équivalent d'un dinar à notre époque. Cheikh Ibn Uthaymin l'a estimé à peu près à 150 riyals. Et si vous, tout dépend du cours du Junay Saoudi, mais il oscille aux alentours de 300 riyals. Le Junay, il oscille entre 150, 160, 170. D'accord? Donc à peu près, si vous le divisez 150 par 4, ça fait une quarantaine d'euros à peu près. Non, ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Oui, certains savants, donc les savants qui disent que la personne qui a eu un rapport avec sa femme en période de menstrues n'a que le repentir à faire, ne considèrent pas ce hadith comme authentique. Ils disent ce hadith est authentique, c'est vrai, mais il n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est authentique jusqu'à Ibn Abbas. C'est un hadith mawquf. Le hadith le mawquf, c'est tout simplement la parole du compagnon. Donc la parole, la chaîne de transmission est authentique jusqu'au compagnon. Ensuite, entre le compagnon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas authentique. Et l'avis le plus sûr, inshallah, comme le disent beaucoup de savants, comme Cheikh Al-Bani, Cheikh Al-Fawzan, c'est que le hadith est sahih. Le hadith est authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il en découle un jugement pour toute la communauté. Donc il en découle un jugement pour toute la communauté. Et d'autres savants disent ce hadith est faible concernant par rapport à son contenu. Parce que dans ce hadith, il y a eu un choix dans une expiation sur un choix sur un objet ou une chose de même nature. Je ne sais pas si vous avez compris. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un choix entre le dinar ou la moitié du dinar. Mais ça reste toujours du dinar. Et ça, c'est le seul hadith qui apporte un choix sur un objet de même nature. Concernant les autres expiations, par exemple pour celui qui a fait, qui a juré, quelle est l'expiation? 3 jours ou ça dépend des péchés de la personne, mais il y a des expiations où la personne a le choix entre le jeûne, a le choix entre habiller des pauvres, a le choix entre libérer, affranchir un esclave. Il a le choix, mais ce sont des choix sur des objets ou des choses de nature différente. Quant à ce hadith, il parle de choix sur un objet, une chose de même nature. Et les autres savants ont dit, où est le problème? Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné le choix sur une chose de même nature, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Non, les savants leur ont répondu simplement, il n'y a pas de problème. Et quant à l'explication qu'ils ont donnée, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix entre un dinar et la moitié d'un dinar, plusieurs explications. La plupart des savants disent tout dépend du moment où l'homme a eu un rapport avec sa femme. Est-ce que c'était au moment où la femme avait beaucoup de sang? Donc, dans ce cas-là, il doit donner un dinar. Ou est-ce qu'il a eu un rapport avec sa femme pendant à la fin de la période où le sang était moindre, où le sang était asséché? Donc, dans ce cas, il doit donner la moitié d'un dinar. D'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit le prophète, alayhi sallam, a donné le choix en fonction de la personne qui a fait le péché. Si c'est une personne riche, elle donne un dinar. Si c'est une personne pauvre, elle donne la moitié. والتخيير في الحديث راجح راجع نقله الشيخ continue والتخيير في الحديث راجع الى التفريق بين اول الدم واخره لما روي عن ابن عباس موقوفا ان اصابها في فور الدم تصدق بدينار وان كان في اخره فنصف دينار. Donc là le cheikh dit le choix qui était donné dans le hadith revient à la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme. Est-ce que c'est pendant le début de la période ou bien à la fin, comme cela a été rapporté sur Ibn Abbas, c'est-à-dire la parole d'Ibn Abbas, si il a eu un rapport au début du sang, il doit leur donner un dinar. Et si il a eu un rapport vers la fin de la période, il doit leur donner la moitié d'un dinar. Et cette parole a été authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. L'avis d'Ibn Abbas. Donc c'est l'avis de la plupart des savants qui disent que la différence vient justement de la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme. Le hadith mawqoufan, c'est Ibn Abbas qui l'a dit. Ça veut dire que l'erreur vient d'où s'ils l'ont attribué au prophète? C'est les rapporteurs ou... Oui, c'est les rapporteurs. C'est les rapporteurs qui ont rapporté et ont dit que Ibn Abbas l'a entendu du prophète. Ça, c'est là. Non. Ou bien ça peut être autre chose, ça peut être d'autres hadiths qui sont venus d'une chaîne faible. La chaîne, elle est faible bien avant Ibn Abbas, bien avant, parce que le hadith peut venir de plusieurs riwayats, le hadith peut venir de plusieurs chemins, d'accord, des chemins qui sont authentiques, qui rapportent par exemple que Ibn Abbas l'a dit, d'accord, d'autres chemins qui sont totalement différents, la porte où disent que cette parole a été dite par le prophète, mais ces chaînes à la base elles sont faibles. Après, la faiblesse elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Et même Akhi ibn Abbas, il est même sûr et certain que la faiblesse est intervenue avant, parce que après, qui peut rapporter que le prophète a dit? Non, ça peut être qu'un compagnon. C'est un compagnon. Il n'y a qu'un compagnon qui peut dire j'ai entendu le prophète sallam dire, car il l'a vu. Et la règle dans l'ilm al-hadith, c'est que as-sahaba kulluhum udul. Les compagnons radhiyallahu anhum sont tous sans exception udul, sont tous justes, et on doit prendre le hadith. D'accord? C'est une règle dans l'ilm al-hadith, elle est intransigeante. As-sahaba kulluhum udul. Yani, tu ne peux pas dire ce compagnon, il a dit, ouais, mais ce compagnon, il a ça, il a ci, il a une faible mémoire, il est. Non, c'est interdit de dire ça. Un sahabi, il a dit, khlas. Déjà, entre le sahabi et le prophète, c'est authentique. Donc, s'il y a une faiblesse, elle vient automatiquement après. Non. Non. Toutes les fois que tu as cité là, c'est uniquement pour les monstres, pas pour les louchis. Pour les louchis et les monstrues. Parce que le verset coranique. Ouais. Mais on avait cité que Al-Hayd et Al-Nifas, que les monstrues et les louchis sont identiques, ont le même jugement, et ça on avait dit que c'était à l'unanimité des savants. Mais Ijma' ulama. Les savants, Al-Ijma' c'est une preuve. Les preuves en islam c'est le Coran, c'est la Sunna, et ensuite c'est Al-Ijma' l'unanimité des savants. L'unanimité des savants c'est une preuve. Pourquoi c'est une preuve? Car le prophète alayhi sallam a dit la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté n'a pas une parole unanime sur un égarement. Ma communauté n'a pas un avis unanime sur un égarement. Autrement dit, si la communauté est unanime sur un sujet, sur un point, sache que ce point est vérité, sans aucun doute. Et la communauté dans ce hadith, ça ne signifie pas tous les musulmans, ça signifie les savants. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, ma communauté n'est pas unanime sur, ne peut pas être unanime sur un égarement, c'est pas ma communauté, tous les musulmans. Comment tu veux que tous les musulmans à notre époque, 1 milliard de musulmans, soient unanimes sur une parole? C'est impossible. La tajtami'u ummati, c'est-à-dire les savants. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.